Ou alors je vais aller sur Google, taper Bounce pour savoir que veut dire Bounce. Bon, bah, apparemment, je vais faire ça pour savoir. Hop. Ou alors, excusez-moi. Ah, ça y est. Ou alors, il y a eu une coupure parce que là, tout d'un coup, j'ai plein de. Oh là là, j'ai. Apparemment, chez moi, le texte a été coupé chez moi. Il vient de revenir et. Et. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, tout le texte est venu d'un coup de ce que vous avez dit. Et là, l'Institut Tech Philippe parle beaucoup sur moi. Ouais, bon. Bah, va les voir, hein, je sais pas, parler avec eux, fait quelque chose, je sais pas, moi. Alors, Unhes pose la question, est-ce que les mécréants qui ne sont pas Al-Kitab payent-ils une jizya ou ils doivent être chassés? C'est pas qu'ils doivent être chassés ou est-ce qu'ils doivent être tués? Et s'ils sont pas chassés, c'est eux-mêmes qui sortent. Hein. Ou alors sinon ils sont tués. Alors ça c'est une bonne question, mais là aussi, barakoufikoum, c'est une question de fiqh, d'accord, et qu'on va étudier dans le djihad. Je vais vous faire rapide. Dans le madhab Shafiri, d'ailleurs c'est le madhab qu'on étudie dans le Murtasal Abi Shouja, comme on va l'étudier, Inch'Allah, dans le chapitre du djihad, et qui est aussi la parole du madhab al-Hanbali, ceux qui payent la jizya sont seulement les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et on met aussi avec eux, elle majousse les Zoroastriens, d'accord? Personne d'autre. C'est-à-dire que si jamais ce qui est bouddhiste, hindou ou je ne sais pas quoi, eux, ils n'ont pas de jizya à payer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les autres, soit ils paient la jizya, soit on les combat jusqu'à la mort. Point à la ligne. On ne sait pas, on les chasse. On ne les chasse pas. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas chassés, c'est eux-mêmes qui ont peur et qui se barrent. D'accord? C'est compris ça? Ça, c'est l'avis du Mazhab Shafi'i et le Hanbali. Donc, ceux qui insultent ceux qui ont ça, ils vont insulter l'imam Shafi'i, ainsi que tous les savants du Mazhab Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmed et tous ceux qui suivent cet avis-là dans le Mazhab al-Hanbali. Dans le Mazhab al-Maliki, d'accord, donc l'imam Malik, rahimahullah, ils acceptent la jizya de n'importe quel mécréant, sauf bien sûr, al-Murtadoun, les apostats. Il y a pas un apostat ne peut pas avoir de pacte, d'accord, mais tout mécréant d'origine, donc que ça soit bouddhiste, zoroastien, chrétien, juif, je ne sais quoi encore comme animiste ou quoi, d'accord, et ben eux, l'imam Malik prend la jizya pour eux. Et dans le madhab al-Hanafi, ils acceptent aussi, sauf les arabes. Dans le madhab al-Hanafi, un arabe ne peut pas être un mouchrik, d'accord, donc ils n'acceptent pas la jizya d'un mouchrik arabe, arabi. Dans ça, c'est dans le madhab al-Hanafi. Donc, vous voyez, sinon, si la personne n'est pas arabe, donc s'il est rajami, c'est un nom arabe, donc là, ils acceptent la jizya de n'importe quel mécréant. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est les avis dans les quatre écoles. Barakallahu fik, et ça, on va l'étudier quand on va étudier le djihad. Mais barakallahu fik, excusez-moi de me répéter, s'il vous plaît, posez des questions par rapport au cours du tawhid. Ça, ce sont des questions de fiqh. Normalement, je n'ai pas à y répondre. Barakallahu fik, du moins pour l'instant. Mais on va étudier ceci dans le fiqh, Inch'Allah, on va y arriver. Abou Anfal, Barclofi, moi aussi, il n'y a pas de problème. Si jamais, au contraire, si jamais c'est bon si jamais vous pensez certaines choses qui vous paraissent bizarres, ce que j'ai dit, posez la question. Il vaut mieux que j'enlève cette malentendue plutôt qu'il reste que vous partez avec ça et que vous ayez partez avec une mauvaise compréhension. Si vous m'avez si soit de l'islam ou soit sur moi, d'accord. C'est moi qui vous remercie d'avoir posé ça pour enlever justement cette mauvaise compréhension qu'il y a eu. Ou ça se trouve, je ne sais pas, c'est moi qui me suis mal exprimé. Hein. Je m'appelle Hilal et je suis sunnite. Bah, moi je m'appelle Erwan et je suis sunnite, mon frère. Barakallahu fik. D'accord. Donc on est pareil sauf dans le prénom. Mon frère Hilal. Il ose sort le du salon. Personnellement, je ne peux pas me permettre pour l'instant de sortir une personne du salon seulement comme ça, pour ça. Hein. Désolé. Mais là, je vais interdire les micros au minimum. Sauf des personnes que je connais, Inch'Allah. Alors, apprends à connaître les gens avant. Oula, alors, maintenant, je vais dire au frère Hilal 25, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on vient ici dans ce salon, c'est pas un salon de tchatch, c'est pas un salon de djidal ou de faouda d'anarchie. Quand on rentre au salon, c'est comme on vient dans une salle de cours ou dans une mosquée qui a un cours. Et il y a un minimum de respect, de khoulouk à avoir. Mon frère, quand tu viens ici, tu as un élève baraklofik. Tu dis pas au prof, passe-moi le mix STP Institut. D'accord? Tu viens avec un minimum de respect, donc rien que pour ça, je te donnerai pas le micro baraklofik. Et comprenez ce qui se passe. D'accord? C'est un cours que je donne, c'est pas un salon de discussion et tout le monde dit ce qu'il veut de la manière qu'il veut. Barakallahu fikoum. Menu Minatelari, je pense que je vais obéir, entre guillemets, à H. Lilouz. C'est tout, c'est un anti-daoula, je l'ai déjà vu, bon, c'est parce que c'est un pro, ça rate. Hillel 25, quand tu dis d'accord, professeur, c'est dans un ton qui n'est pas respectueux, même si j'entends pas le son de ta parole. Donc apparemment, il n'y a plus de questions sur le Tawhid. Repère de sèche me conseille de fermer la room maintenant qu'il n'y a plus de questions, exactement. Alors ça parle maintenant de... Ok. Apparemment, Bounce, ça va... Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire Bounce et Bounce? Barakallahu fikoum. Apparemment, je reçois les messages en différé. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi il doit y avoir un problème de communication. Des fois, les messages arrivent apparemment bien après que vous les ayez posés. Bounce, ça veut dire quoi? Barakallahu fikoum. Sinon, j'irai voir sur Google que veut dire Bounce. Apparemment, il n'y a pas de questions. Excusez-moi, ça se trouve, vous avez posé des questions, mais je vois pas, comme je l'ai dit, dû à cause du retard des messages qui m'arrivent. C'est ça veut dire quoi? Je sais, c'est... Bounce veut dire sortir quelqu'un de la room. Alors, Belkis 83 2017, Baraklofik. Jazakallah khairan. J'ai une personne égale Bounce. Ok, donc maintenant je sais ce qu'elle veut dire dans le langage Paltok, le mot Bounce. Baraklofikum. Je remercie Tlemseni et Belkis pour cela. Et Couscous Clan 1 avait dit aussi expulser Baraklofikum. Ok, d'accord. Enfin, j'ai des messages, excusez-moi, je suis désolé, il y a des messages qui me viennent en retard. Ils sont en train de désordonner. Ok. Écoutez, je vais fermer le salon maintenant. Le cours est déjà 22h25. Il n'y a plus de questions sur le cours. Comme je l'avais dit, malheureusement, apparemment, c'est surtout dans le cours du Tawhid qui a le plus de... Comment dirais-je, un manque de comportement. Mais bon, on va faire avec. Inch'Allah, je vous remercie tous. Barakallahu fikoum. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Comme je l'ai dit dans le cours du fiqh, le fiqh, c'est partie de la aqida. D'accord? Et il y a une autre chose qui fait partie de la aqida, c'est al-khuluq al-hasan, le bon comportement. Et l'islam, c'est trois choses. C'est ce qu'on appelle, alors là, je veux dire la aqida, c'est-à-dire que la croyance, c'est al-iman, donc tout ce que le cœur doit croire. Il y a les actes, c'est-à-dire, c'est le fiqh. Et il y a la troisième chose qui est quoi? Le bon comportement. Barakallahu fikum. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé seulement que pour parfaire les bons comportements. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, mais pas dans son sahih, dans un autre livre qui s'appelle Adam al-Mufrad. Il a fait un livre, Adam al-Mufrad, le comportement seul, c'est-à-dire qu'il a fait un livre seulement sur le bon comportement. Et ce hadith a été authentifié par le Bani. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه